Quiz 24. Activation orale. Faire du sport. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. J'aime le ski. Et vous dites. Je fais du ski. Vous entendez. 2. Les sœurs de Mireille adorent la natation. Et vous dites. Elles font de la natation. Ou bien vous entendez. 3. Mireille n'aime pas la natation. Et vous dites. Elle ne fait pas de natation. 4. Mireille aime le karaté. Elle fait du karaté. 5. Robert n'aime pas la voile. Il ne fait pas de voile. 6. Nous aimons l'alpinisme. Nous faisons de l'alpinisme. 7. Vous aimez l'escalade? Vous faites de l'escalade? 8. J'adore la moto. Je fais de la moto. 9. Le père de Mireille n'aime pas le tennis. Il ne fait pas de tennis. 10. Les sœurs de Mireille aiment la planche à voile. Elles font de la planche à voile. 11. Robert aime le canoë. Il fait du canoë. 12. La mère de Mireille n'aime pas le sport. Elle ne fait pas de sport. 13. Robert aime l'aviron. Il fait de l'aviron.